Dans divers pays du monde, comme Venezuela, Mexique, Angola et Guinée, il y a eu les conférences consacrées au 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il. Les orateurs ont exalté les immortels exploits du général qui a renforcé le Parti du Travail de Corée fondé par le président Kim Il-sung en une organisation politique invincible et transformé la Corée en une puissance invincible par sa politique de Sun-gun.